donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG. Pour suivre cette émission Johnny de A à Z tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, ici sur RIG 90.7 sur Bordeaux. Et sur le net, vous pouvez retrouver également l'émission ou sur le rigfm.fr. Et évidemment aussi, on retrouve les podcasts johnnyaz.podcast.fr. Voilà, tac, j'ai tout lancé, toute la pub pour mon émission, c'est lancé. Comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va bien, hein. Il n'a pas fait que pleuvoir ici sur Bordeaux, il a neigé également. Oui, aujourd'hui il a neigé, mais ça ne tient pas chez nous. À Bordeaux, ça ne tient pas du tout. Quoi qu'il en soit, je dis ça pour ça, pourquoi? J'en sais rien pourquoi, je ne sais pas. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un album de la semaine, qui est l'album Johnny Chante Hallyday, qui date de 1965 et qui est sorti dans le commerce le 17 novembre 1965. Johnny Chante Hallyday, qui, comme son nom l'indique, ne contient que les titres originaux qu'il a composé lui-même. Oui, oui, Johnny l'a composé, ouais. On ne peut pas dire que Johnny ne compose rien du tout. Et pour la plupart, lors de ces titres, il les a écrits lors de sa retraite forcée à Offenburg. Les textes ont été confiés à Long Chris, sur le titre par exemple « Dis à mon frère », Georges Haber avec le titre « Un jour ou l'autre », Hubert Wayaf d'Europe 1 avec une chanson et surtout Gilles Thibault, son nouvel auteur fétiche qui signe l'essentiel de l'album avec les titres « Le diable me pardonne »,« Tu as de la chance »,« Je bois à sa santé »,« Toi qui t'en vas » et « Tu oublieras mon nom »,« Ne crois pas ça » et les deux titres issus du dernier 45 tours « Mon anneau d'or » et « Ne joue pas ce jeu-là », dernier 45 tours qui était sorti le 22 octobre 1965. Plus tard considéré par les fans comme un album mythique, une première édition numérotée à la pochette de velours luxueuse coûte aujourd'hui une fortune. Johnny Chante Hallyday n'en est pas moins un échec commercial à sa sortie. Il s'écoulera péniblement à 80 000 exemplaires seulement contre 400 000 pour la plupart des albums parus avant son départ à l'armée. Même s'il reçoit avec un plaisir non fin 11 disques d'or pour 11 millions de disques vendus lors d'une soirée donnée au Saint-Hilaire le 18 novembre 1965, la récompense lui a été remise par Charles Trenet, ayant présenté Sylvie Vartan. Et du 25 novembre au 26 décembre, le voici pour la quatrième fois à l'Olympia. Et Johnny Hallyday n'en est pas moins inquiet pour son avenir. Un changement de cap lui semble impératif à l'heure où le paysage musical international subit l'influence britannique. Pour reprendre son expression, il doit resserrer les boulons. On va tout de suite commencer cette émission avec le 45 tours qui est sorti juste avant l'album Johnny Chante Hallyday. C'était donc le 22 octobre 1965 avec un 45 tours de circonstance, hein, puisque Johnny venait de se marier avec Sylvie Vartan, avec le titre Mon anneau d'or et sous la plume de Gilles Thibault. Et en face B, il y avait Ne joue pas ce jeu-là. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne écoute. Vous écoutez Johnny de A à Z sur RIG. Brillait à ton doigt. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Ce que l'amour a blessé, un titre également écrit par Gilles Thibault. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En retour, Johnny a aidé à l'Olympia en 1965. En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où j'habite mes parents, avaient gardé mon cœur dans. Elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je pense supplie à l'infini. Retiens la nuit. Oui, les mauvais garçons, s'ils te ridiculent, ne sont pas méchants, je veux l'avouer. C'est qu'ils en ont reçu de partout et beaucoup. Les mauvais garçons, ces inconnus, n'ont pas le désir du défendu quand ils sont en bande. Cherchez la bagarre, venez à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Et j'aime pas beaucoup. Ah, comment on monte. J'avoue que la bagarre, j'ai réussi. Je dirais même que j'aime cogner. Ouais. D'accord les gars, bah je vais vous soigner. Par cette chanson, cette fille-là, mon vieux, waouh, elle est terrible. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Et pour les garder dans ma tête, les joies de la pleine saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Ouais. Comme ça, je le sais, ne dis pas non. Tu oublieras mon nom, le temps est là pour ça, et tu auras bien raison. Je sais, tu souffriras longtemps, on n'oublie pas comme ça. Oui, tu devras serrer les dents, mais pourtant tu verras. Tu oublieras mon nom, et c'est très bien comme ça, je le sais, ne dis pas non. Du 25 au 26 décembre, 4e Olympia, très attendu après un long séjour à l'armée. Et le soir de la générale, le tout Paris est présent et le triomphe est au rendez-vous. Mais le chanteur sent bien qu'il est un tournant décisif. Et là, c'était lors du Musicorama d'Europe 1 de la première date de cet Olympia, le 25 novembre 1965. On a écouté le petit medley. Et puis également un titre qui figure sur l'album de la semaine, Tu oublieras mon nom, qui figure sur l'album Johnny chante à l'idée. On va revenir à l'album de la semaine. Et les enregistrements des titres se répartissent sur 2 mois, septembre, octobre, et sur 2 villes, Londres et Paris. Et sont convoqués Eddie Vartan et son orchestre, des pointures de jazz en qui on peut avoir confiance, et les musiciens de l'orchestre transitoire de l'idole, notamment le guitariste Richard Middleton, le rythmique Johnny Taylor, le bassiste Peter Hollis, le batteur Andrew Steele, le pianiste-organiste Raymond Donnez et le fidèle Jean Tauzan au saxophone. Le tout est placé sous l'œil expert de Lee Hallyday et par intermittence par Les Red. Celui-ci est un habitué des studios Fontana qui s'illustre aussi dans les musiques de films. Voici le titre Tu as de la chance. Souviens-toi bien, tout est fini, mais moi je te dis, tu as de la chance. Ah vraiment de la chance. Ah tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. Tu m'as roulé, tu t'es moqué, bravo c'est ton droit. Tu as de la chance, ah vraiment de la chance. Ah tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. Ah tu as de la chance, ah tu as de la chance. Ah tu as de la chance, ah tu as de la chance. Ah tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. J'étais fou et je me disais sûrement j'en mourrais. Elle a de la chance, a vraiment de la chance. Ah tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. Mais te voilà qui vient vers moi et qui me demande d'oublier tout ça. Tu as de la chance, a vraiment de la chance. À jeter oublié, à jeter remplacé, à ne perds plus ton temps, à souviens-toi pourtant, à tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. À tu as de la chance, à tu as de la chance. Johnny et les années 80. Oh! Ah! Quel métier fatigant. Comme ça. la guerre. Même si je sais que chaque fois je la perds. Et quand tu me désertais, la solitude me tuait. Plus sûrement que les jouets idiots de la haine. Oh, j'aimerais pouvoir souffrir comme hier. Que tu ne m'aimes plus, que tout ça va finir, que c'est foutu. J'aimerais tant te voir partir, comme tu l'as si souvent fait. Au moins mes yeux te verraient t'en aller. J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça, comme du temps où de temps en temps t'étais là. Et entre nos déchirures, je regardais mes blessures, et au moins je savais que t'étais pas bien loin. J'aimerais pouvoir encore souffrir demain. Johnny en 1984, extrait album Drôle de métier, c'était le titre, la reprise de Kenny Rogers, j'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. Un extrait, enfin une chanson qui a été tirée de l'album Johnny chante à l'idée et qui a été repris en turc, c'est le titre Mon anneau d'or, Altin Yusuk en turc. Afin de mieux séduire le marché local, Johnny refait sa piste voix avec un texte en partie chanté en turc, un couplet sur deux. Et cette étonnante initiative fut probablement justifiée par une tournée entreprise là-bas par Johnny et Sylvie Vartan. Et ce 45 tours maintenant, ce money a pris d'or également. Je crois que c'est le 45 tours le plus cher de Johnny Hallyday. Et quand le retrouve essentiellement là-bas en Turquie. Allez-y en Turquie, vous allez trouver ça. Vous allez trouver ça peut-être. Qui sait, qui sait, qui sait. Moi c'est Johnny et Altin Yusuk, mi-turc, mi-français. et les années 80. C'est à l'envers quand c'est arrivé. Je peux te dire un truc, quand le jour se tombait en panne, j'avais la tête à l'envers. Et je voyais des gens à travers les doigts, ils voyaient, ils faisaient « Ah, oh, Johnny !» Ah, pas con, j'étais là. Et là, je peux rien faire, putain de merde. Composé des chansons pour l'album donc Johnny chante à l'idée, et là pour l'album En pièces détachées, il avait composé avec Michel Mallory ce titre-là, Lady Divine, en 1981. À présent, une petite rubrique que vous allez retrouver hebdomadairement dans l'émission Johnny de A à Z, je l'ai intitulée Les duos impossibles. On va prendre deux chanteurs ayant chanté la même chanson, enfin du moins Johnny reprenant une chanson d'un autre chanteur, ou peut-être l'inverse, qui sait, peut-être un chanteur qui prendra une chanson de Johnny. On fera un petit mix des deux et ça donnera une chanson, du moins un duo virtuel. Je vous propose d'écouter ce soir le duo virtuel Gilles Barbicot interprétant Et maintenant et avec la voix de Johnny. Donc la version de 1962 et la voix de Johnny, et ça donne ça. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti, toutes ces nuits qui. Et ce matin, qui revient pour rien. Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, oui, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, tu sais, c'est tout petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Et même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans nos miroirs, je verrai bien la fin du chemin. Une fleur et pas de pleurs. Au moment de l'adieu, je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Et c'était maintenant la version avec Gilbert Bécaud et Johnny Hallyday, le duo impossible. Et bien, on fera peut-être un de ces jours une émission spéciale duo impossible. On retrouve Johnny Hallyday en live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny à la télévision lors du palmarès de la chanson, c'était le 7 avril 1966. Une interprète, Le Diable me pardonne. Je m'abandonne, ça m'apprendra à être. Me voilà en prison, la fille que j'aimais. Le jour, la nuit sifflait, elle se prenait pour un petit oiseau. Moi j'adore les oiseaux. Le diable me pardonne, mon idée était bonne. Mais je n'ai pas volé. Alors pour l'oublier, je me suis marié avec sa sœur, oui, mais c'était encore pire. Elle n'aimait que la vie. Le diable me pardonne, mon idée était bonne. Dans son café, oui, j'ai mis de la mort au rat. Elle dort depuis 6 mois.

aujourd'hui tu t'en vas. Les paroles, c'est fini pour toi. Écoute, j'entends les pas du gardien qui vient par là. J'entends déjà sonner ses clés. À toi la liberté. Si par hasard un jour comme ça tu passes à côté de chez moi et que ma mère est là, dis-lui que pour moi ça va. Et si tu veux, si tu y penses, embrasse-la pour moi. Je t'en prie, pas un mot de ces murs noirs, de ces barreaux, des marques sur mon dos. Surtout ne lui dis pas que chaque nuit, quand tout s'éteint, je pleure jusqu'au matin. Votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Ici, elle s'appelait Facile, je croyais. Elle avait des yeux à vous tourner la tête, et je crois bien que la mienne a tourné. Le ciel lui avait donné ce qu'il faut pour vous troubler, mais chaque médaille possède aussi son revers. Sa beauté me cache son mauvais caractère. Sois facile avec moi, aisé, je ne t'ai rien promis. Sois facile avec moi, aisé, laisse-moi vivre ma vie. Pourquoi faut-il toujours que les filles compliquent l'amour? Ce qu'il faut, bien souvent plus qu'il n'en faut. Ça n'était jamais c'est pour cette fille qui ne trouvait rien de bon, rien de beau. La liberté, lorsque l'on aime, peut être enchaînée. Et je ne sais rien de plus triste en moi-même que celui qu'on retient quand il veut s'en aller. Oh, sois facile avec moi, Isée. Je ne t'ai rien promis. Sois facile avec moi, Isée. Laisse-moi vivre ma vie. Faut-il toujours que les filles compliquent l'amour? Oh, ne pourra-t-elle jamais m'écouter sans rien compliquer? C'est pourquoi aujourd'hui que sans arrêt je lui dis: pas facile avec moi, Isée. Je ne t'ai rien promis. Sois facile avec moi, Isée. Sois facile avec moi, Isée. Je ne t'ai rien promis. Isée, Isée. Soit facile avec moi, datant de 1972, qui ne figure sur aucun album, qui aurait dû figurer sur l'album Country Folk Rock. On va dire, ouais, c'est plutôt un style blues aussi qu'on va retrouver. Et également une chanson qui a été composée par Johnny Hallyday et Tommy Brown, et dont les paroles ont été écrites par Ralph Burnett. À présent, on va retrouver Antoine Decaune et sa rubrique L'Odyssée Johnny. L'Odyssée Johnny Hallyday. Perçu comme un phénomène essentiellement français, Johnny s'est tout de même fréquemment produit à l'étranger. On connaît par exemple cette vidéo stupéfiante le montrant en concert aux Pays-Bas. En 1963, devant un public survolté, chantant « I Got a Woman » de Ray Charles. Oh yeah, I got a woman, way out of town, she's good to me. Why yeah, baby, she's just too happy. Johnny a beaucoup chanté en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Il a également tourné en Amérique du Sud, au Liban, en Turquie et dans pas mal de contrées inattendues. Ceux qui collectionnent les disques de Johnny, édités à l'étranger, n'arrivent jamais au bout de leur quête, tant sa discographie internationale est vaste. D'autant que notre héros a enregistré bon nombre de ses chansons en langues étrangères. Ainsi, il y a quelques années, les fans ont été stupéfaits de découvrir qu'il existait une mouture de Mon anneau d'or, traduit en turc. Non ! Si, même que ça s'appelle Altin Yusuk. Ça, c'était Johnny chantant en turc une version étonnante de Mon anneau d'or, enregistrée en novembre 1965 en vue d'une tournée en Turquie. À l'opposé, il est un idiome que Johnny pratique avec beaucoup de naturel, c'est l'anglais. Parce qu'il a appris son art en écoutant les disques américains, parce que son cousin Lee vient d'Oklahoma, parce qu'il séjourne souvent en Angleterre ou aux USA, Johnny chante dans cette langue comme s'il était né à Nashville. I'm gonna have myself a time, just walking around breathing the air. I'll shout to neighbors and they'll wave back to me at their labors. I'm gonna lead the life I love. Les idiomes latins que sont l'espagnol et l'italien sont relativement faciles à aborder pour quelqu'un qui a l'oreille musicale comme Johnny. On l'entend ici interpréter deux traductions du fameux Requiem pour un fou. Celle en italien date de 1976, celle en espagnol de 82. Et pour le montage des deux, on dit merci, Yann Minguy. Johnny a aussi prêté sa voix à une adaptation en japonais de Que je t'aime. Que je t'aime en japonais, ça date de 1973. Mais si l'on remonte quelques années en arrière, à l'époque où Johnny effectuait son service militaire en Allemagne, on découvre qu'il s'était accoquiné avec un groupe local célèbre de l'autre côté du Rhin, les Rattles. Avec ses Beatles teutons, notre Jojo enregistre une version en allemand de Keep Searching, succès du chanteur américain Del Shannon, qui devient, excusez l'accent, Basier de l'Achtersreden. Johnny en allemand, accompagné par les Rattles, c'est dans l'Odyssée Hallyday et nulle part ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Eh ben non, je suis bien d'accord, Antoine, hein, aussi. Lazy Lush Done Ridden, c'est aussi sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z, bien entendu. On l'écoutera plus souvent ici que maintenant dans l'Odyssée de Johnny Hallyday. On revient à l'album de la semaine qui est sorti le 17 novembre 1965. Et cet album a eu quelques critiques, notamment des bonnes et des mauvaises, parce qu'une critique peut être bonne ou mauvaise. L'album n'est pas accueilli favorablement dans les lettres françaises, où en 1966, René Boudier écrit « Monsieur Hallyday est rarement parvenu à me toucher, juste quelques secondes, je l'ai dit. » Et bizarrement, confirmation du divorce entre scène et disque dans une chanson, « Toi qui t'en vas », qui ici me paraît des plus mauvaises. Voilà. Et à contrario et à posteriori, Jean-François Brieux, salut Jean-François, considère que Johnny chante à l'idée est un véritable album concept, ambitieux et superbe, devenu aujourd'hui le plus culte peut-être des productions hallydéennes des années 60. Ajoutant les trois plus grandes chansons de l'album, quand Johnny les chante, chante, il est impressionnant. Toi qui t'en vas domine le disque et c'est l'un des titres les plus désespérés, les plus purs qu'ait enregistré Johnny Hallyday. Le Dieu me pardonne et je bois à sa santé s'écoute dans un même souffle. Elle retrouve jusque dans leur dissonance le blues déjanté de Boris Vian, de Quincy Jones, concocté pour Henri Salvador dans les studios Barclay. Voilà ce qu'on peut dire sur ces quelques critiques que j'ai pu vous sélectionner. On vous retrouve deux titres de cet album Johnny chante Hallyday, Ne crois pas ça et Un jour ou l'autre. Sur AIG, dans l'émission Johnny de A à Z, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Ne dis pas que tu as le droit de gâcher ta vie, sûrement pas. Ne crois pas, non, ne crois pas ça. Ne dis pas le monde tournera, que je sois ou ne sois pas là. Ne crois pas, ne crois pas, non, ne crois pas ça. Ne crois pas ça, ne crois pas ça. Un homme peut bien se tromper.

je t'appelais Marie. Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Oui. Eh bien alors, juste après la pub. Holiday by Holiday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Hello. Soleil de plomb sur ta tête tourne en rond et ton âme dit Gringo, qu'est-ce qui en voudra là-haut, hein? Même le diable même le diable en aura peur. Hello Gringo, oui c'est bien fini pour toi. Alors j'ai pitié de toi. Dis-moi, Gringo, oui, juste avant de mourir, quel est, Gringo, oui, ton tout dernier désir? Dis-moi, Gringo, ton dernier désir, c'est quoi? Un Ricard. Salut, Gringo. T'es mort heureux. Maintenant, on va essayer de continuer, un peu de musique. Essayez. peuvent être fiers. Notre univers, ils l'ont gâché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, faut essayer de vous aimer. Tellement de temps que l'on navigue ensemble, ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Je n'oublierai pas les larmes de Belinda. Je vois encore ses longs cheveux que le vent caressait. Elle restait seule sur le quai de la gare. Et dans mon cœur, elle est encore là, Belinda près de moi. Quand un train s'en va, il laisse quelqu'un qui pleure et qui rêve. Trompé, Belinda, attends-moi. Car j'ai voulu chercher trop loin ce que j'avais là dans mes mains. Et je sais bien que j'ai perdu son amour pour toujours. Elle m'avait promis, j'attendrai. Mais les filles n'attendent jamais. Et je suis seul dans ce train sans retour. Et mon cœur est aussi triste que sa maison est vide. Elle est partie, mais je l'aime toujours. Je n'oublierai pas les larmes de Belinda. Je vois encore ses longs cheveux que le vent caressait. Elle restait seule sur le quai de la gare. Et dans mon cœur, elle est encore là. Les larmes de Belinda sur la Terre promise en 1975, revenant à l'album de la semaine qui est sorti le 17 novembre 1965 et s'intitule Johnny chante Hallyday. Le prochain titre que je propose, c'est À 2 heures de chez toi, qui est en fait ce titre est la seule page des 33 tours à avoir été ébauchée avant l'armée. C'était lors d'une séance à Nashville en 1963. Le titre il correspondait à Moi, cette fille-là, et là en 1965 devient le titre À 2 heures de chez toi. J'étais venu pour prendre le train, pour te rejoindre enfin, lorsque je l'ai vu soudain, et mon cœur dans son regard oublia le départ, en t'oubliant toi, surtout ne lui en veux pas, à cette fille ne savait pas que tu m'attendais là-bas, que pour elle je reste là, juste à 2 heures de chez toi. Mon long voyage touchait à sa fin, mais vois-tu le destin, jamais il ne nous prévient. Pour nous deux dans cette gare, ce qui fut notre histoire meurt avec ce train, surtout ne lui en veux pas. Cette fille ne savait pas que tu m'attendais là-bas, que pour elle je reste là, juste à 2 heures de chez toi. Pour une fois ton cœur pleurera quand tu liras cela, et pourtant je n'y peux rien. Aurais-je un jour ton pardon, en apprenant son nom j'effacerai le tien, surtout ne lui en veux pas. À cette fille ne savait pas que tu m'attendais là-bas, que pour elle je reste là, juste à 2 heures de chez toi. Dans quelques jours nous serons bien loin, seuls dans un autre train qui s'éloignera de toi. Et il te faut m'oublier, même si je n'étais qu'à 2 heures de chez toi. À 2 heures de chez toi. Johnny et les années 70. On m'a tout dit dans ma vie. Oui. C'est une bête de scène. Oui. C'est James Dean du rock and roll. C'est... Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'on dise que son double chic Johnny Hallyday. je te regarde dormir. Je remercie le ciel de ton sourire. Tu as tout ce que je n'ai jamais eu. Alors pense à tous ces enfants perdus. De vivre, extrait de l'album Insolitude en 1973, encore un titre que Johnny a composé également. Tiens, on va retrouver Johnny Hallyday chantant en turc, du moins un couplet en français et un couplet en turc avec le titre Yezil Gözleri Isin, autrement dit, ne joue pas ce jeu-là. La face B de tout à l'heure, hein, de Altin Yuzuk. Oui, on en adore. Yezil Gözleri Isin Sen İçkal Gayatem Esbilsen. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On le retrouve Johnny Hallyday en live en 1965 et ce titre Money. Johnny Hallyday qui avait encore des fans en 1965 alors que le rock'n'roll s'était transformé petit à petit en yéyé. Concert de Johnny Hallyday enregistré en août 1965 pour Interjeune. That's what I want. get everything. Well, what it don't buy. En 1965. Revenons maintenant à l'album de la semaine qui est Johnny Chantalidée, sorti le 17 novembre 1965. Et lorsque le disque sera réédité à l'identique sous format CD en l'an 2000, et ce fut une sacrée odyssée que de reconstituer la matière feutre. Et le disque connaîtra ce qui ne lui était jamais arrivé dans sa version initiale, un classement parmi les meilleures ventes 35 ans après sa première sortie. Tardive, mais belle revanche. On le retrouve tout de suite à Johnny avec une chanson, tout à fait. Oui, avec une chanson, c'est le titre de la chanson. Avec une chanson, hein? Avec une chanson, on peut se faire un souvenir. Avec une chanson, on retrouve son sourire. J'aime chanter pour ça, et ça me donne bien des joies. Avec une chanson, on oublie sa timidité. Avec une chanson, on s'adresse au monde entier. J'aime chanter pour ça, et ça me donne bien des joies. On peut faire des prières pour trouver la joie, mais la plus simple manière, c'est de faire comme moi. Oui, c'est de faire comme moi. Avec une chanson. chanson, on fait marcher des régiments. Avec une chanson, on chasse plus d'un tourment. J'aime chanter pour ça, et ça me donne bien des joies. Que de larmes ont séché, j'aime chanter pour ça, et ça me donne bien des joies. Oui, avec une chanson, on devient vite bons amis. Avec une chanson, on oublie tous ses ennuis. J'aime chanter pour ça, et ça me donne bien des joies. Et ça me donne bien des joies. Oui, et ça me donne bien des joies. Ça me donne bien des joies, et ça me donne bien des joies. Johnny et les années 2010. Il y a une expression américaine en anglais qui dit Rock'n'roll is dead. Ce qui veut dire le rock'n'roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Le retour des temps maudits, les ça ne finira jamais. Johnny et les films. Cheval d'acier, cheval de fer, dans un galop d'enfer. Emmène-moi loin de la terre, repentir dans les airs. Pour des galops de fou, j'ai toujours rendez-vous. À cheval, je vais n'importe où. Viens monter au ciel, il me manque des ailes. Et comme je suis loin d'être un ange, sur mon cheval étrange, alors je me fais mal, car la chute est brutale. À cheval, je vais n'importe où. Cheval d'acier sur deux roues. Cheval d'acier, cheval de fer, très bientôt je l'espère. L'amour m'évitera l'enfer, pourvu qu'il soit sincère. Stoppant d'un seul coup, mes galops de fou, je l'emmènerai n'importe où. Cheval d'acier sur deux. Cheval d'acier qu'on retrouve dans le film À tout casser. On revient à l'album de la semaine pour deux derniers titres. On va retrouver Je bois à sa santé et Dis à mon frère, tous les deux extraits de l'album de la semaine. Johnny chante à l'idée, sorti donc le 17 novembre 1965. Oh. sur le banc de bois. J'attends l'arrivée du train. Je n'ai qu'un billet sur moi et ma guitare à la main. Dis à mon frère que je pars tout seul. Dis à mon frère qu'il veille sur toi. Tes bras autour de mon cou n'arrêteront pas mes pleurs, car c'est autour de son cou qu'ils se noueront tout à l'heure. Dis à mon frère que je pars tout seul. Dis simplement aimé parce qu'il me ressemblait, et tu nous as séparés. Alors pour moi s'il te plaît, dis à mon frère que je pars tout seul. Dis écoutez donc, je bois sans santé. Oui, Johnny, dans le registre du comique. L'exercice est rare parce qu'il est délicat et difficile. Faire interpréter un texte comique à Johnny et en plus sur un accompagnement à R&B cuivré. Et puis le titre aussi, dit à mon frère, d'une composition donc de Long Chris. Et puis on va passer au titre suivant qui sera de 1990. J'ai qu'un truc à vous dire. Au revoir, baba, loubaba, la bim, boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 90. Extrait album 100%, voici Remise de peine. Ils m'ont laissé sortir hier soir. Tu sais, j'avais hâte de te revoir. Qu'est-ce que t'es belle, t'es toujours la même. Tu sais, jamais je ferai plus de peine. ferai plus de peine. Je ne serai plus pareil. Fini la déveine. Les nuits sans sommeil. Je ne veux plus que tu saignes. Qu'est-ce que t'es belle. Qu'est-ce que je Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live, on le retrouve à l'Olympia en 1965, le 25 novembre, avec le titre « Ne joue pas ce jeu-là », extrait d'album de la semaine « Johnny chante à l'idée », un album que j'ai pris un grand plaisir à réécouter ce soir. La fille qui t'a quitté, auprès de moi s'est réfugiée. Je vois dans le fond de tes yeux un éclair dangereux, entouré de tous tes copains, tu viens me barrer le chemin. Et je passe ce jeu-là, je n'ai rien contre toi, mais avec moi, crois-moi, et je passe ce jeu-là. Elle ne demandait qu'à t'aimer, mais la voir pleurer et t'amuser. Aujourd'hui tu as des remords, tu comprends que tu as eu tort, mais il est trop tard maintenant, il fallait y penser avant, c'est moi qu'elle aime, tu n'y fais rien, et tes points n'y changeront rien. Toute ta colère, je le sais bien. Tu cherches à cacher ton chagrin. J'ai compris, je ne t'en veux pas. Mais pourquoi se battre pour ça? Viens mon chemin, écarte-toi. Ne joue pas ce jeu-là. I got money, no more money will I need. Yeah, I've got money, baby, no more money will I need. When I got your love, and I'll be the happy one. Let me tell you, I got money, no more money will I need. Yeah, I've got money, pretty baby, no more money will I need. Yes, when I got your love, and I'll be the happy one. Let me tell you. Taper dans vos mains. I've got money, no more money will I need. Yeah, I've got money, pretty, pretty, pretty, baby, no more money will I need. Yeah, well, I got your love and I'll be the happy one. Cette émission, Johnny de A à Z avec l'album de la semaine, Johnny chante à l'idée sortie le 17 novembre 1965, c'est bien, vous avez retenu la leçon. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé, et puis oui, et puis pour votre présence à chaque émission Johnny de A à Z. On se donne rendez-vous pour une nouvelle émission la semaine prochaine, alors thématique ou album de la semaine, et bien on va voir ça. Surprise, surprise. Merci encore à toutes pour votre fidélité à cette émission. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.